j'ai trop souvent perdu des plumes, histoire de vent ou quai des brumes, en plein désert ou à Paris, je gagne, je perds, pourquoi, pour qui? Let's